Le voyage en Chine. Faustine Peste. Pourquoi les femmes ont-elles toujours les voitures les plus pourries et celles qui passent la nuit dehors? Menacée de grève conjugale, Maxime finit par réagir. Désormais, en gentil mari reconnaissant que sa femme travaille, il se lève une demi-heure plus tôt pour dégivrer son pare-brise et préchauffer le moteur. Faustine apprécie vraiment ces minutes de plus sous la couette. Surtout pendant la vague glaciale qui paralyse la France en 1987, aggravée par les coupures d'électricité dues à une grève EDF. Ils ont bien choisi leur moment, tiens. Plus d'une centaine de personnes sont déjà décédées à cause du froid. C'est moche. Mi-février, le couple reçoit un appel de l'organisme en charge des adoptions, contacté quelques mois auparavant. Je suis Madame XY de la Fondation Z. Je vous appelle à propos de votre demande d'adoption. Bonjour. Il y a du nouveau? Oui, nous avons un petit à vous proposer. Formidable. Quel âge a-t-il? Comment est-il? Fille ou garçon? C'est un petit garçon, mais il y a un problème. Ah oui, lequel? Il est handicapé. Vous aviez signalé que ça ne vous dérangerait pas dans le questionnaire. Je sais, mais depuis nous avons évolué. Quel est son handicap? Il est aveugle et sourd, infirme moteur cérébral, sans espoir de guérison. Je suis désolée, mais là, c'est trop pour moi. Je préfère renoncer. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas prendre le temps de réfléchir? Oui, nous en avons beaucoup parlé avec mon mari. Nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne pouvons plus envisager d'affronter une nouvelle épreuve de ce genre. Je suis encore en dépression. Faustine est déçue, mais elle sait qu'elle fait le bon choix. Si elle pouvait sans questionnement imaginer suivre Julien tout au long d'un parcours de petit paralysé, elle ne se sent plus la force depuis son décès de s'investir pour un inconnu. Le ressort est cassé. Chez Fougerolles France, où elle travaille en ce moment, Faustine s'ennuie à 100 sous de l'heure. Taper des soumissions et les photocopier en 10 exemplaires, ce n'est pas folichon. Heureusement, un appel de maman la sort de sa torpeur. Tu t'amuses? Ben non, l'intérim c'est plus ce que c'était. Ça te dit de venir en Chine avec moi? Oh oui, bien sûr, en quel honneur. Il était prévu que j'y aille avec Stéphane, mais comme il a cassé sa voiture hier, il n'a plus les moyens de m'accompagner. Je dois le remplacer, sinon on perd notre mise. Et c'est pour quand? Du 21 février au 19 mars, presque un mois. Formidable, j'arrive. L'opportunité de partir au bout du monde ne se refuse pas quand on cherche à se fuir. Faustine a juste le temps de foncer un équerre pour sa 4e insémination artificielle. Désormais, plus rien ne la retient à Paris. Négligeant l'injonction de se reposer, elle prépare sa valise, saute dans le train pour Lausanne. Les 500 mètres entre la gare et le boulevard de Grancy sont franchis en moins de 5 minutes. Maman l'attend dans son salon, envahie de fringues et accessoires divers. « Salut, Fifi, tu vas bien ?»« Plutôt, oui. Le vol est à quelle heure ?»« Demain, 10 heures, de Zurich. »« Va falloir se lever tôt, et ensuite ?»« Pékin, pour commencer. »« Mais tiens, regarde le programme, ça ira plus vite. »« Pendant ce temps, je termine d'emballer. » Tu as pris assez de vêtements chauds. On va passer de l'hiver à l'été en l'espace de 3 semaines. Oui, j'ai tout prévu. Ma valise est archi pleine. Faustine se rue sur le guide de voyage qu'elle dévore de fond en comble. De Pékin à Singapour, en passant par Guilin, Shanghai, Canton, Hong Kong et Bali. La promenade promet d'être intéressante. Le trajet Lausanne-Zurich est une affaire de 2 heures. Le train est direct jusqu'à l'aéroport. Au point de rendez-vous, une petite troupe s'agglutine déjà, munie du signe de reconnaissance de l'agence de voyage. Il n'y a pas à attendre longtemps. Le très beau guide, responsable de leur groupe, a manifestement bien rodé son discours de bienvenue. Il parle le français avec un délicieux accent suisse-allemand. Mesdames et messieurs, mon nom est Rodolphe. J'aurai le plaisir d'être votre guide pendant les 3 prochaines semaines. Nous allons vivre une aventure extraordinaire. Je vous demanderai d'oublier vos a priori et de vous immerger entièrement dans l'atmosphère du pays, car nous allons changer de planète, pénétrer un monde inconnu. Votre voyage commence maintenant. Ceci dit, il recommence le même discours en allemand. L'assemblée applaudit. Faustine réalise qu'ils sont en bonne quarantaine, dont une majorité d'Autrichiens et de Suisses alémaniques, pour seulement 6 francophones. Une chance que maman soit parfaitement bilingue français-allemand. Faustine complétera avec l'anglais. Le vol dure plus de 38 heures, y compris 2 escales interminables. Le voyage est calme, sans turbulence. Malgré tout, avec la pressurisation, les jambes de maman gonflent de manière impressionnante. En plus, c'est douloureux. Faustine tente un massage, mais rien n'y fait. Rodolphe, réveillé en urgence, organise un changement de place afin qu'elle puisse surélever ses gambettes. Maman finit par s'endormir. 8 000 km plus tard, en milieu de matinée, ils atterrissent à l'aéroport international de Pékin, capitale. Beijing, c'est plus joli. Le temps de parcourir la 30aine de kilomètres qui les séparent de leur hôtel, de débarrasser leurs affaires, les voilà installés autour d'une table ronde. Le plateau central tournant est garni d'une dizaine de plats alléchants. À bien y regarder, il est difficile de définir exactement leur contenu. Légumes, viande, pousses de bambou et riz en accompagnement. Que ça sent bon! Pas tout à fait cependant comme la nourriture chinoise apprivoisée à l'européenne. On sent que c'est de la cuisine locale, quoique. Faustine remarque que les autochtones, attablés plus loin, se contentent de riz sans viande, à peine agrémenté de quelques verdures. Pour boisson, les touristes se voient servir une bière eau de vaisselle fadasse. Malgré leurs demandes répétées, on ne leur apportera pas d'eau. Tant pis, Faustine se contente de cette pistrouille. Pendant tout le voyage, elle aura l'impression d'être sous perfusion d'alcool. Le même après-midi, la troupe est embarquée manu militari dans un car rudimentaire et dirigée vers la place Tiananmen. Droit devant, le mausolée de Mao. Sur la gauche, la cité interdite. Un guide chinois vient seconder Rodolphe. Il s'exprime dans un suisse allemand impeccable, sans être jamais sorti de Chine. Il explique que la construction de la cité interdite a duré 14 ans et qu'un million d'ouvriers réduits en esclavage y auraient travaillé. Faustine la regarde, de loin. Elle est épuisée et ses pieds lui font déjà mal. C'est moins fatigant d'observer les gens, les enfants surtout, tellement marrants avec leurs petites culottes fondues sur leurs petites fesses rebondies. Ici, les couches jetables, on ne connaît pas. Elle constate avec surprise que la majorité des touristes sont chinois. Prévenue que la République populaire de Chine est une dictature, Faustine les imaginait au champ, tous ces gens-là, ou à l'usine, mais certainement pas en vacances. Jamais elle n'aurait pensé que les individus auraient une telle liberté de mouvement. D'autant qu'ils n'ont pas franchement l'air riches, dans leur veste à col Mao tout identique. C'est oublié un peu vite que Mao est mort, que la population chinoise approche du milliard, et qu'avec l'avènement d'une certaine forme de capitalisme, ils sont de plus en plus nombreux à gagner leur vie correctement. Les autochtones, quant à eux, sont tout autant impressionnés par les voyageurs européens. D'ailleurs, Faustine, particulièrement exotique avec ses cheveux châtains frisés, est souvent kidnappée par des familles pour figurer en bonne place sur leurs clichés. Ce que Faustine apprécie le plus dans les musées, ce sont les boutiques et leurs vendeuses. Ici, pas de caisse enregistreuse électrique pour totaliser les achats, mais un simple boulier de bois. La jeune femme est fascinée par la dextérité impressionnante de vitesse et de précision des caissières. Dehors, on croise des vieillards vénérables, hommes et femmes, occupés au balayage des parties communes. Manifestement, ils n'ont pas de famille pour subvenir à leurs besoins. Sinon, ils ne seraient pas là. Tous arborent un air quasi mystique. Faustine s'étonne de l'absence de chats et de chiens. Quand elle demande pourquoi on n'en voit nulle part, il lui est sobrement répondu qu'en Chine, il n'est pas interdit de les manger. Un autre jour, la visite de la Grande Muraille ne laisse pas à Faustine un souvenir impérissable. Nous sommes fin février, il fait si froid, si gris, sinistre pour tout dire, qu'elle est sûrement plus impressionnante vue de la lune, mais cela reste à vérifier. Dès le début du voyage, un jeu de séduction s'est instauré entre le beau Rodolphe et elle. Le courant passe, c'est évident. Chaque fois qu'elle le peut, la jeune femme, toujours obsédée par sa quête de procréateur, ruse pour se rapprocher du guide. Dans l'écart, elle se prétend malade afin d'être admise à ses côtés tout devant. Dans les restaurants, elle s'impose à sa table, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, elle admire les statues des tombeaux Ming, les pics karstiques de Guilin, la vision intemporelle de cet enfant en promenant un buffle le long de la rivière Li. Un peu moins les voussées rustiques, sans paroi ni porte, et les nouilles au petit déjeuner. Mais ce ne sont pas ses priorités. Le plus difficile reste de se débarrasser de son encombrant chaperon maternel et des gêneurs éventuels. Elle n'hésite donc pas à saouler consciencieusement sa chère maman afin de disposer de ses soirées. À Guilin, enfin, elle parvient à éloigner Rodolphe du reste du troupeau. Ensemble, sous la pleine lune, ils dansent le tango. Surtout, ils parlent énormément. Faustine raconte sa vie, son drame. Lui parle de ses amours. Il est heureux entre deux femmes qui lui ont donné de beaux enfants. Tout le monde se connaît, s'apprécie. Un harem, en somme. Tant mieux, songe Faustine, il sera d'autant plus sensible à ma demande. Bien sûr, elle y met les formes. Pas question de tout déballer d'un coup. Quand enfin elle s'offre à lui dans la nuit balinaise, elle est sûre qu'il est séduit. Il ne lui refusera pas cet enfant. Après tout, au point où il en est, un de plus, qu'est-ce que ça pourrait bien lui faire?